Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du fa. On va commencer comme d'habitude avec une brève révision du cours précédent. Premièrement, la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tafadhal. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن عبد المناف ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن قصي صحيح تفضل ابن كعب ابن لؤي ابن ابن غالب قصي تلا اوبليه هو اكل اندرو قصي بعد ابن عبد المناف صحيح احسنت احسنت الاخر الجمله احسنت بارك الله فيك comme on a dit par rapport à la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est impératif de savoir pour chaque musulmans et musulmanes, ce qui a été rapporté par Cheikh l'Islam dans le livre Thalathat al-Usul, Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim et Hashim min Quraysh et Quraysh min al-Arab et al-Arab min dhurriyati Ismail ibn Ibrahim alayhima wa ala nabiyyina as-salatu was-salam. Ça, c'est ce qui incombe à chaque musulman de connaître sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je l'ai dit au cours précédent, parmi les preuves de l'amour que nous portons à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait de le connaître plus et plus encore. Donc le fait d'étudier sa vie, sa sira, sa biographie, cela montre, cela fait partie des preuves de l'amour du musulman pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et par cela, la première des choses, comme il est venu ici dans le livre, sa généalogie. Donc ici on a ce qui incombe à chaque musulman de connaître et ce qu'il y a en plus encore, comme l'a évoqué notre frère ici. On va juste le recommencer comme ça en entier avec Yahmadou Tfaddal. Mohammed ibn Abdullah, Mohammed ibn Abdullah, ibn Abd al-Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd al-Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Malik, ibn Kab, ibn Kab, ibn Dhu'ay, ibn Malik, ibn Fir. ابن نضر في مالك ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك انت طلعت تي بارتي بلو لون كو فهر اي فهر سي كي سي قريش اون ا دي جوسكا فهر ابري اون بو رومونتي انكور جوسكا عدنان اي جوسكا عدنان لي سافون دو لا جينولوجي سون داكور il y a peut-être certaines divergences mais on peut trouver une on peut trouver que beaucoup d'entre eux sont d'accord. Et après, Adnan jusqu'à Ibrahim, alayhissalam, c'est quelque chose qui est sujet à nombre de divergences. En tout cas, jusqu'à Fihr, qui était Quraysh, eh bien, les savants de la généalogie, de la science de Nasab, ils sont d'accord sur ce qu'on vient d'évoquer ici. Jazakumullah khayran. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes et messagers ou est-ce qu'il y en a encore après lui? C'est le dernier. Ahsant. C'est le sceau des prophètes. Le sceau des prophètes. Ahsant. Est-ce que tu as le délil sur ça? Hein? Ismahli? Sahih, lakin le délil. La preuve. Le Coran. Tfaddal. ما محمد لا سورة الأحزاب ولكن رسول الله أحسنت ça fait partie des preuves comme cela la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa ana khatamun nabiyyin fala nabiyya ba'di et on a dit que ceci bien sûr est la croyance des gens de la sunna et nous voyons que plusieurs parmi les gens de l'innovation disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le dernier des prophètes, en particulier parmi As-Soufiya, parmi les soufis. Et chacun des voix soufis, pour beaucoup d'entre elles, prétendent cela pour pouvoir prétendre que le cheikh de la tariqa, celui qui a fondé la tariqa, la voix soufie, a été envoyé après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chacun en vient à cela, soit ils le disent clairement, ils le disent sans détour, ou alors ils le prétendent. Ils le disent de manière dissimulée. Ceci pour certains d'entre eux. Certains d'entre eux, bien sûr, comme c'est connu aussi chez As-Soufi, ils placent le degré de Al-Wilaya, c'est-à-dire Al-Wilaya comme on l'a expliqué précédemment. Al-Wali, celui qui est le pieux, l'allié d'Allah Azzawajal, le saint, comme certains peuvent le traduire aussi. Ils disent que ce degré-là, chez beaucoup de soufis, ils disent que ce degré-là est au-dessus du degré de la prophétie. Et c'est pour cela que vous voyez chez les gens de l'innovation, il y a beaucoup de contradictions. Certains d'entre eux prétendent que le shir de la tariqa, qui est le plus pieux pour eux, est un prophète envoyé après eux. Et certains, de la même tariqa, de la même voie, ils prétendent que les alliés d'Allah Azza wa Jal, que eux bien sûr désignent l'Awliya, ou que l'Wali, de manière générale, est au-dessus du degré de la prophétie. Ce qui n'est pas vrai. Les prophètes sont... Ce degré-là, le degré de la prophétie et du message, est le plus haut degré pour l'homme. Et certains d'entre eux prétendent cela en disant, par rapport à ce verset de Sourate Al-Ahzab, sur la parole d'Allah Azza wa Jal, Khatam al-Nabiyyin, Al-Jumhur, la plupart des lecteurs du Coran, ils ont dit wa Khatim al-Nabiyyin, Khatim. Et dans la qira'a qu'on a l'habitude de lire, ou dans la riwaya qu'on a l'habitude de lire, la riwaya de Hafs, selon Asim, Hafs ibn Sulayman, selon Asim ibn Abin Najoud, rahimahumullah, celle qui est récitée généralement, que l'on a l'habitude de réciter, Khatam, avec une fatha. Et As-Soufiya, comment ils interprètent cela? Ils expliquent cela en disant Hilyat al-Nabiyyin, c'est-à-dire l'ornement des prophètes. Al-Khatam, comment on dit Al-Khatam? Et ils expliquent cela en disant que c'est l'ornement des prophètes. Ça veut dire qu'il y en a encore après lui, parce que c'est l'ornement, c'est pas Al-Khatim ou Al-Khatam, c'est-à-dire celui qui clôt, celui qui scelle la prophétie, ou celui qui vient en dernier. C'est le sens qui est accepté dans la langue arabe pour ce mot-là. Khatam ou Khatim. Ceci font partie des ta'wilat de As-Soufiya. Des interprétations fausses de certains parmi As-Soufiya. Quand est-ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né? L'année de l'éléphant. Ahsant. C'est quelle année exactement? C'est l'année où l'éléphant il a envoyé les éléphants et a détruit la Kaaba. Dans le calendrier, on dirait quelle année? Comme je l'ai dit au cours précédent, si vous vous rappelez, les Arabes, ils avaient l'habitude de dater par des grands événements qui se sont passés. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de cette manière-là, telle année, puisqu'en fait, ils n'avaient pas de calendrier, ils ne prenaient pas le calendrier grégorien. Si on veut essayer de rechercher sur le calendrier grégorien, c'est une chose. Mais on dira, comme tu as dit, hafidakallah, l'année de l'éléphant. Parce que c'est comme ça que les Arabes avaient l'habitude de dater les années par le passé, par les grands événements qui se passaient, que ce soit une catastrophe ou un événement heureux, etc. Donc l'année de l'éléphant. Ahsant. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Habibullah ou Khalilullah ou comment? Tfaddal. Khalilullah ou l'Al-Habib? Khalil. Pourquoi? Radiallah Ibrahim Khalil. Sahih? C'est une manière d'argumenter. Ahsant, barakallah fik, Kamel, tfaddal. Al-Khulla est supérieur à Al-Habba. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ahsant. On dit que Al-Khulla, c'est la manière, on ne dit pas Al-Khalla, on dit Al-Khulla. C'est ce degré de l'amitié intime, comme on pourrait le traduire. Ce degré-là dans l'amour, l'amour a plusieurs degrés. Ce degré-là est le plus haut degré de l'amour. Il y a des preuves, bien sûr, comme je l'ai cité dans les cours précédents. C'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah azza wa jalla a pris Ibrahim comme ami intime, comme tu l'as dit, et il m'a pris pour ami intime. Et certaines personnes se trompent en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Habibullah. Sans aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Habibullah, sans aucun doute. Mais il est au-dessus de cela car il est le Khalil d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'ils disent ces gens-là, ils disent Habibullah pour faire la différence entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim alayhi salam. Ils disent Ibrahim c'est le Khalil et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le Habib pour dire qu'il est plus haut en degré que lui. Sans aucun doute, il est plus haut en degré que lui, mais ce n'est pas par cette chose-là qu'on fait la distinction. Puisque sinon, c'est un argumentaire qui ne tient pas. Puisque comme on l'a dit, le Khulla est au-dessus de le Mahabba, la simple Mahabba. Et ils veulent donc par cela dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Habib d'Allah Azza wa Jal. Et ceci n'est pas exact, n'est pas complet. Il est le Habib, mais il est le Khalil aussi. Faites bien attention à cela, vous pouvez l'entendre dans beaucoup de khutab, de sermons du vendredi où l'imam met cela en avant. Le Habib, le Mustafa. C'est le Habib sans aucun doute, mais c'est le Khalil d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est, et lorsque tu le désignes de cette manière-là, ceci est meilleur et plus parfait. Et plus complet. Est-ce que vous vous rappelez la différence entre An-Nabi, le prophète, et Ar-Rasoul, le messager? On l'a déjà vu par le passé. On ne l'a pas revu dans le cours précédent, dans celui d'avant, mais on l'a déjà vu par le passé. En fait, il était avant Nabi, après Rasoul, après. Pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans le matn de l'Usul al-Thalatha, il est devenu Nabi, donc prophète, avec la surat Iqra. Et ensuite, il fut envoyé par Ahsant. Mais ici, ce que je veux dire, c'est la différence entre l'appellation un prophète et un messager. Et Ahmed Outfadda. Donc, un Nabi, c'est celui en fait qui vient mettre en application la législation d'un messager qui était envoyé. Et un Rasoul, c'est celui qui vient avec une nouvelle législation. Vous êtes d'accord avec ça? On avait dit dans les cours précédents, tu n'as pas entendu. Il a dit, le Nabi, le prophète, c'est celui qui vient mettre en application la législation, la législation d'un messager qui est venu avant lui, prêcher une législation nouvelle. Et le messager, Ar-Rasoul, c'est celui qui vient avec une législation nouvelle. Ce qui est connu, c'est ce que vous trouvez dans l'explication de Ibn Abi al-Izz, dans son explication de Tahawiyya, qui est un livre bien sûr connu et reconnu. Ce qui est connu souvent, c'est que le prophète, c'est celui qui a reçu la révélation d'une législation, mais qui n'a pas été ordonné de la transmettre. Et le messager, c'est celui qui a reçu la révélation d'une législation et qui a été ordonné de la transmettre. Comme je l'avais expliqué dans des cours précédents, cette définition-là, malgré que c'est la plus connue, elle n'est pas exacte. Plutôt la définition exacte, c'est celle qui fut donnée ici par Yahmadou et que vous avez validée. Barakallahu fikoum. Celle que j'avais expliquée, ceci pour, par rapport à plusieurs preuves du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et de la sunna. Il y a aussi une autre explication, qui est une autre explication entre la différence, qui est une explication aussi qui est très forte. Le fait que Ar-Rasoul, c'est celui, donc le messager, c'est celui qui a été envoyé à un peuple de gens qui sont non-croyants, qui ne sont pas d'accord avec lui. Il a été envoyé avec eux. Qu'il soit venu avec une nouvelle législation ou avec la législation d'un messager avant lui. Mais la différence, qui a été adoptée, donc cette définition par plusieurs de nos savants, que le messager, c'est celui qui a été envoyé, que ce soit avec une nouvelle législation ou une ancienne législation d'un messager avant lui, mais qui a été envoyé à un peuple qui sont non-croyants et qui ne sont pas d'accord avec lui, qui le combattent. Et le prophète, comme vous l'avez compris ici, c'est celui qui sera envoyé avec une nouvelle législation ou non, mais à un peuple qui sera croyant. Donc il sera envoyé pour les rappeler, pour leur faire le rappel. Ceci est une explication. Et nous voyons dans cela, par rapport à cette explication-là, nous voyons que les savants, les ulama, sont comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les héritiers des prophètes. Ils sont envoyés à un peuple qui est croyant. Nos savants musulmans sont envoyés à nous. Allah Azza wa Jal nous les utilise pour nous faire le rappel, nous rappeler de la sharia d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la sharia de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ulama warathatul anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Donc sur cette définition là, nous voyons que les savants ont une part de cela. Ici, qu'est-ce que nous, j'avais évoqué un bénéfice que nous retirons de ce que nous avons étudié la semaine dernière concernant la manière qu'avaient les musulmans et à leur tête le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de se comporter en période de nuisance lorsqu'ils ont été persécutés à la Mecque. Après le début de la da'wah, de la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière ouverte. Ils ont été persécutés, ils ont reçu nombre et nombre de nuisances, et certains plus que d'autres. Qu'est-ce que nous tirons comme bénéfice aujourd'hui, à notre époque, lorsqu'il nous arrive justement ce genre de nuisances et ce genre de persécutions, comme certains le prétendent, même si ces persécutions-là, ceux qui le prétendent en tout cas aujourd'hui et qui font certaines choses, que justement j'ai mis l'accent dessus la semaine dernière, il n'y a rien à voir avec ces nuisances-là de cette époque. Et peut-être certains d'entre eux ne reçoivent aucune nuisance même. Tfadda. On a vu qu'ils ne se sont pas retournés contre le gouverneur ou autre, ils ont patienté. Ahsante. Certains peuvent dire que le gouverneur n'était pas un gouverneur musulman à l'époque. Mais ici, ce qui est important de voir, c'est que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ni des manifestations, ni des grèves, ni des révoltes. Plutôt, il a continué à appeler Allah tabaraka wa ta'ala de la meilleure des manières jusqu'à être ordonné de faire l'hijra, l'émigration. C'est là où est-ce que nous allons commencer le cours d'aujourd'hui. Une dernière question. El-Isra ou El-Mi'raj. Donc l'ascension, le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ascension. Comment est-elle, s'est-elle passée? Comment est-elle arrivée chez les gens de la sunna, la vie le plus proche de la vérité? Fadal Kamel. Lorsque le prophète alayhi salatu wasalam était en état d'éveil par son corps et son esprit. Ahsante. En état d'éveil, c'est-à-dire que ce n'est pas arrivé en rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous l'a dit, les rêves font partie de la prophétie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, ou quand il avait l'habitude de faire un rêve, il sortait à la mosquée pour raconter son rêve à ses compagnons. Et ce dernier, le rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait partie de la prophétie. C'est pour cela qu'on parle de cela, pourquoi j'ai ramené cette affaire-là. Al-Isra ou Al-Mi'raj, l'ascension et le voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas en état de sommeil. Plutôt, il était réveillé. De même qu'il a fait ce voyage avec son âme, bien sûr, et son corps. Moi, ma question, pourquoi le prophète est parti après ce voyage-là? Pourquoi le prophète a fait ce voyage-là? De Al-Isra ou Al-Mi'raj, une sagesse d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est une sagesse d'Allah Azza wa Jal. Il y a beaucoup de sagesse derrière cela que les savants expliquent comme en premier lieu pour comme cause de comment dire, comme preuve de sa véracité. Comme preuve de sa véracité. Et ceci, on va y arriver car il était à cette époque-là à Mecca. Et les gens de la Mecque qu'il appelait à l'islam, c'était des gens, pour beaucoup d'entre eux, surtout les notables de la Mecque, ne croyaient pas. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se voyait octroyer des signes. Parmi les plus grands de ces signes, sans aucun doute, le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsque la lune s'est fendue. Et parmi ces signes, Al-Isra wa Al-Mi'raj. Qu'est-ce que dit Al-Isra? C'est ça. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a dit pour le reste des prophètes? J'ai pas compris. Qu'est-ce que Dieu lui-même il a dit pour son voyage des prophètes? Pourquoi il a voyagé? Subhanallah. أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا أحسنت هذا c'est pour lui faire voir ses signes. أحسنت جزاك الله خير. Heureusement qu'on a des anciens avec nous comme cela. بارك الله فيك. Qu'Allah te préserve. On va lire la traduction du verset. L'une des causes, donc, comme je l'ai dit ici, de ce signe qu'Allah Azzawajal a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comme signe de sa véracité, et comme notre ancien Sheikh Allah Khair nous l'a dit, nous a fait le rappel de ce verset. Donc ce verset, Subhanallahi, asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée al-haram à la mosquée al-aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certains de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Donc une des sagesses de ce voyage, celle que Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé. C'est à propos de laquelle Allah azza wa jalla nous a informé dans ce verset. Jazakallah khair, barakallah fik. Et donc, ceci jusqu'à arriver à al-hijra, l'immigration.